離婚し、 ti bolingo komi singa la goma, ti na yoki pete pema, ou e pa elegance zali na koma, bolingo motema, na koti pe bazamba, na mati pe bangomba. Suka suko lo bini elegance, naya tona continue kose la.Sukasuko no bini elegance, naya tona continue kose la yo. Namata bangomba, nakota bazamba, na bangate. Naya bute kumate mikuse, naya bune kumate zonito.Mandata monotone, élégance. C'est elle que j'aime, oh, élégance. C'est un mouchoir. Zambé au Pessa, banina ma vocation, ma kouma ko prêche. La bonne parole, élégance, tine la nata na WhatsAppSourire na yo yon ton yo yon lelo Soki yo bosa ni tindato yon pokwa Souka souko lo bini ni bebe Ya, tona continue koze la yo Anina gamba pesa bango ma vocation Ma 3h du matin tango mponye ki makanga Nako mako fouye telefone na manata appele moke Souki tango mousou sele dans so kome lina mon bebeBonjour, mon fruit de mer, je t'aime. Élégance, c'est elle que j'aime. Oh, élégance, mon choix est. Nebana qui n'est in de toi, il m'a donné élégance.Et il est sa pomme, il y a Roméo, il y a Juliette. Bolingo, il y a un boca, mon bimba, il fait sa longogna. Il y a bisou et bonga, king, et il y a un bana langui. Je le dis qu'à l'ici, toi, les bolingo, il y a un bimba partout. Pas la poêle de la, pas ma bala, pour la cause et l'élégance. Nicole, elle est qui coûte, bassin, ça fait bangoula.Yozonga katenga wali kome bali nenzoto Tusine bile bianga kobanda moyili Tupi Yuyula tisanga idebo mwana pili ya bolingo Lala moku ye mimi bututu okati anzoto Nakuma kubanga na yoko kufavaye Kakaponi tumbu babengi kombo bolingo Yaka omu nandenge bolingo ezo sala genosi Natini peba mesaje bazongi na boko pame Kombo nwe tinga minga lule mune tisoye Diagnostika boko nuzu inga sans elegance Tunga makoni mikon na zangi ter basil Maleli lele, elegance elega Mwana masola jazani inye na ima kano Zala kimbuka elegance Alinga kyo change nationalité Alinga kyo change pipa se ta Nako manga y elegance Nako manga y elegance Et me soumettre à tes lois Ça va de soi Elegance qui t'a créé Elegance qui toko avec accident Et comme y'a ce pananzela, nzela, l'okola l'osso na moutou y'a porte, basi ouyo bazana problème y'a beauté, balokota ba mi pokola nanzoto, pako ma belle, belle, belle, belle. Elegance zamba salaki yoye, na loro yo na paradis agitation.De ma kele le nyan souwe sila kiye Asala kiyo malende malende Aladino, peinture à bas diamantaire. Tango basta la ka expertise ya diamant. Touché na yé, obima parfaite. Les lots sur terre, motonion sois à convaincu. Perfection est un domaine privé en zambé. Élégance aux approvis à perfection en zambé. Arata musulu oyo ya dongo dongo, arata bizarro oyo ya pamplemousse. Potier conflit entre le goût du nabouton, baso et la yoye, rosa légerie na bongo, basa la bénéfice, ma concurrence ya Apple, na Google, une élégance. Élégance, commis à la table, Renaud. Petit à confiance, Yassine et la Kayosa. Maman secoureur, élégance, Sokia Kalinga. La zone à Kamon, mon cœur, pendant la canale. Baba Nounou, n'a de tartine, y'a pain au chocolat, n'a cartable. Élégance, élégance, y'a un babou. Mon amant, mon solange, pour les roses, le fuchsia. Ayarana, le thème, l'amour est toujours en cours. Ton amour, élégance, dans mon cœur pour toujours. Ton amour, élégance, y'aura jamais de dernier jour. Pour ton amour, élégance, je ferai toujours demi-tour. Depuis aucun d'un élégance, non, comme la veille des jardiniers. Et si comme on a yon à chaque fleur et à jardin, la rose de la pétunia, ma orchidée, ma jasmin. Yoti kaka kosika, je t'aime. Yoti kaka kolimoué, moi je t'aime ko. Yoti kaka kolimoué, je t'aime. Yoti kaka kolimoué, je t'aime. Yoti kaka kotrompinga, je t'aime. Yo ti kaka besa na wa yo teme. Yo ti kaka kosi bika yo teme. Yo ti kaka trompe na.